J'ai au bout du fil Francis Fortier de l'IRIS. Je rappelle qu'il est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, un think tank qui veut faire contrepoids au think tank de droite. Donc, M. Fortier fait une chronique mensuelle à notre émission sur un sujet d'actualité. Bonjour, M. Fortier. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous-même? Très bien, merci. Donc, lors de votre dernier passage à notre émission, nous avons abordé la question de l'impôt des entreprises. Cette fois-ci, oui. Ce sera sur un sujet dont on entend souvent parler ces temps-ci, la péréquation. On entend peut-être parler de ça plus indirectement. Donc, oui. En fait, c'est surtout déséquilibre fiscal qu'on parle pendant la campagne électorale, mais il y a un lien entre déséquilibre fiscal et péréquation, et peut-être que vous pourriez nous expliquer la différence entre les deux, le lien qu'on peut retrouver entre ces deux concepts. Oui, ben en fait, la dimension du déséquilibre fiscal, disons qu'il y a deux sortes de déséquilibre fiscal. Il y en a un qui est vertical, qui serait entre le Québec et Ottawa. Donc, en fait, c'est que Ottawa couperait des impôts qui permettraient d'avoir de moins de transferts au Québec. Et de l'autre côté, qui est encore assez près avec la péréquation, il peut avoir aussi un déséquilibre fiscal au niveau horizontal, donc entre les différentes provinces. Et la péréquation sert justement à minimiser cette différence-là. D'accord. Vous publiez, excusez-moi, des notes socio-économiques sur le site web de l'IRIS. Le 12 oui. mars dernier, vous avez publié une note qui était intitulée « Le Québec dépendant de la péréquation ». C'est une question oui. dans laquelle vous précisez que près de la moitié des dépenses du gouvernement fédéral est constituée de transferts. Donc, oui, quels sont ces transferts et comment ils entrent en compte dans le programme de péréquation? Ben, en fait, il y a deux grandes catégories de transferts. Il y a les transferts aux particuliers et il y a les transferts directement aux provinces. En ce qui concerne les transferts aux particuliers, donc on parle par exemple de la sécurité de la VS, le supplément de revenus garanti. Donc, ce sont des montants qui sont directement alloués aux individus, qui ne passent pas nécessairement par l'administration provinciale. De l'autre côté, en ce qui concerne ceux qui sont accordés aux provinces et aux territoires aussi, on peut parler, par exemple, du transfert canadien en matière de santé ou de programmes sociaux, la péréquation ou la formule de financement des territoires. Et à l'intérieur de ça, environ, au niveau des pourcentages, c'est 25% qui sont des transferts en particulier et 21% environ qui est des transferts aux différents paliers de gouvernement. Et si on regarde la place que prend la péréquation dans ces proportions, c'est que la péréquation équivaut environ à 5% de l'ensemble de la part des dépenses. Donc, c'est environ le quart des transferts aux provinces qui est accaparé par le programme de péréquation. Donc, finalement, c'est une petite partie du total des transferts qui revient au programme de péréquation, si je comprends bien. Oui, c'est ça. C'est environ 5%. Le programme de péréquation a germé dans la foulée de la grande crise de 1929 au Canada. Il a été mis en place plus tard en 1957 dans le but d'assurer des services publics d'un niveau de qualité et de fiscalité égal partout au Canada. C'était l'objectif à l'origine du programme. Mm-hmm. Sans refaire tout l'historique de la mise sur pied de ce programme, est-ce que vous pensez qu'il a bien joué son rôle jusqu'à maintenant? Ben, en fait, il joue relativement bien son rôle. C'est sûr qu'il est quand même assez concentré, mais de par sa forme très particulière, d'autonomie qui donne aux provinces, parce que comparativement aux autres types de transferts, le calcul pour calculer la péréquation, pour savoir le montant que les différentes provinces vont avoir, il n'est pas nécessairement arrimé à des conditions. Donc, il y a une dimension inconditionnelle de la péréquation. Donc, la province n'est pas obligée de soumettre à des dimensions plus politiques, disons, du fédéral, en disant vous ne devez pas dépenser dans telle affaire ou vous devriez cibler. Donc, cet argent-là peut être dépensé comme elle veut. Puis, donc, ça permet, d'une certaine manière, de niveler les différentes inégalités qui existent en termes de PIB, parce que c'est calculé là-dessus. Donc, il y a des provinces qui produisent beaucoup plus de richesses, il y en a d'autres qui produisent beaucoup moins. Et ça fluctue dans le temps. Par exemple, au début, l'Alberta, par exemple, faisait partie du programme de péréquation quand ça a été mis en place. Et aujourd'hui, c'est l'Ontario qui est pour deux années d'affilée qui ont eu droit à la péréquation. Donc, il y a une fluctuation à l'intérieur de l'économie du Canada, puis ça permet d'être déplacé d'une fois à l'autre, dépendamment du dynamisme économique des différentes provinces, comparativement aux autres provinces. Est-ce qu'il est vrai, comme certains l'affirment, que le programme de péréquation est plus généreux pour le Québec que pour d'autres provinces, ou comme vous disiez, ça varie en fonction des fluctuations économiques puis du PIB? Ben, le Québec reçoit à peu près tout le temps de la péréquation, sauf que c'est dans celui qui en reçoit le moins par habitant. À part l'Ontario ou la Colombie-Britannique, qui des fois d'une année à l'autre, des fois ils rentrent dans les groupes qui reçoivent la péréquation, mais des fois ils en ressortent. Mais dans ceux qui en reçoivent disons fréquemment, ce qu'on souvent de façon péjorative on appelle les provinces pauvres, le Québec est disons une province riche dans les provinces pauvres. Donc c'est elle qui reçoit le moins par habitant. Et l'autre chose, c'est qu'il y a une enveloppe globale qui est allouée à la péréquation, puis c'est la province qui en a, disons, le moins besoin qui va être affectée en premier. Donc, même si on calcule, par exemple, que le Québec aurait besoin de 1 300 $ par habitant pour pouvoir atteindre la moyenne canadienne pour offrir les mêmes services, si l'enveloppe globale ne permet pas de donner à tout le monde leur... ce qu'ils ont besoin, ça c'est surtout les maritimes aussi qui vont embarquer dans les, disons, les provinces pauvres. Ce qu'il va faire, c'est que c'est Québec qui va être le premier qui va être touché pour au niveau des montants. Donc, on va descendre les montants en premier du Québec pour pouvoir égaliser d'une certaine manière l'enveloppe. OK. J'ai déjà entendu dire que le Québec, il y a dans les années 90, était une des provinces les plus riches et redonnait de la péréquation à d'autres, d'une certaine manière. Là, c'est un argument qui était souvent présenté par pas seulement les fédéralistes, mais souvent. Est-ce que c'est un raisonnement qui est juste de dire ça comme ça, qu'une province comme par exemple aujourd'hui l'Alberta, qui fournit beaucoup au PIB canadien grâce à l'énergie, au secteur de l'énergie, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des provinces qui, on va dire, fournissent la péréquation pour les autres, ou c'est un raisonnement qui est plutôt erroné, on va dire? Bien, c'est sûr qu'il faut prendre en compte que toutes les provinces et tous les individus, disons, payent de l'impôt à Ottawa. Et il faut aussi prendre en compte qu'il n'y a pas de paiements qui vont directement à la péréquation. Donc, on paie tout à Ottawa, puis après ça, Ottawa détermine l'enveloppe en fonction de différents paramètres. Et ça change d'année en année parce que la péréquation sera négociée environ aux 5 ans. Et de dire que il y aurait une province qui paierait plus que d'autres, c'est sûr qu'il y a des provinces qui paient plus par habitant que d'autres des transferts, mais qui paient plus d'impôts que d'autres. Par exemple, l'Alberta par individu va payer plus d'impôts que le Québec, mais de dire que l'ensemble des impôts payés de l'Alberta est à la fois irait en péréquation et à la fois irait au Québec, et comme c'est pas comprendre la dynamique de la répartition de l'impôt qui est fait par les différents transferts, que je disais tantôt, c'est 50%. Donc, celui qui est représenté par la péréquation, c'est très minime. Donc, il faudrait faire attention à ne pas faire des raccourcis entre impôts payés et péréquation, par exemple. D'accord. Donc, c'est un raccourci parce qu'il y a plusieurs étapes pour redistribuer les revenus, finalement. C'est ça. Il y a plusieurs programmes, en fait. Mm-hmm. Vous écrivez aussi que si le Québec optait pour un régime fiscal au taux similaire à celui de l'Alberta, c'est-à-dire l'abolition de la taxe de vente et une diminution drastique de l'impôt sur les revenus, il ne verrait aucune différence dans son transfert de péréquation. Donc, c'est pas parce que le reste du Canada serait « généreux » entre parenthèses envers nous que nous avons de meilleurs programmes sociaux. Non, mais c'est ça. En fait, c'est que le calcul du programme de péréquation est quand même assez complexe parce que, comme je disais d'entrée de jeu, c'est pas basé sur les revenus réels ou les dépenses réelles d'une province. C'est que c'est fait de façon, disons, plus théorique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fragmenter le PIB, disons, l'économie globale d'une province, en différents secteurs. Par exemple, ce qui va aller pour le paiement en taxes, dans TPS, par exemple, ou qu'est-ce qui serait sur l'impôt des particuliers, l'impôt des sociétés, et on applique à ça un taux, disons, d'imposition de taxes théorique qui serait en fait la moyenne des 10 provinces. Puis on regarde combien le Québec irait chercher de plus que la moyenne canadienne ou de moins que la moyenne canadienne. Puis ça, on fait ça pour 4 grandes assiettes qui est subdivisée. Puis après ça, on arrive avec un montant X, par exemple, par habitant, le Québec a droit à 1000 $ par exemple. Mm-hmm. Donc, que le Québec ait des impôts élevés ou bas n'aura pas d'impact, à part à la limite sur la moyenne totale, mais ça serait très, très, très minime. Non, on commence à tomber dans des technicalités plus mathématiques. Donc, la seule chose qui change... Oh, allez-y. Non, allez-y, je vous écoute. Oui, la seule chose qui fonctionne pas comme ça, par contre, c'est les ressources naturelles. Les ressources naturelles, c'est ça fonctionne sur les dividendes réellement perçus. Ben, c'est sur 50% des dividendes réellement perçus. Puis c'est probablement là que l'Alberta, fait une levée de bouclier parce que premièrement, ça n'a pas toujours été comme ça. Des fois, on n'a même pas eu la part en termes de ressources naturelles. Ça faisait même pas partie du calcul. Puis ça a été rajouté en 2005 pour le 50%, mais à travers le temps, des fois, il est là, des fois, il est à 100%, des fois, il est à 75%, ça change. Non, parce qu'il y a eu des modifications au programme de péréquation. Hein, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais il y a des modifications aux 5 ans. Le programme de péréquation, il est... c'est un gros jeu politique. À chaque 5 ans, toutes les provinces vont se rassembler, vont faire des demandes à Ottawa de faire la modification, mais à toute fin, ça demeure Ottawa qui va décider quelle va être la forme. Puis... dans l'étude qu'on a présentée, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les différentes modifications qui ont été faites dans les 30 dernières années, ça n'a jamais été quelque chose qui a vraiment avantagé le Québec. Même au contraire, c'est souvent désavantagé le Québec. En terminant, M. Fortier, comment vous entrevoyez l'avenir du programme de péréquation, justement, pour les prochaines années? Ben, en fait, justement, puisque c'est renégociable aux 5 ans, c'est que ça devient quand même assez difficile à voir qu'est-ce que ça va être. Pour l'instant, c'est de savoir quel poids va avoir, par exemple, l'Alberta ou l'Ontario qui demandent des modifications qui leur donneraient un plus grand avantage face à la péréquation puis qui désavantagerait le Québec. Comment leurs demandes vont être reçues par Ottawa. C'est vraiment ça qu'il va falloir regarder. Donc, on va se tenir à jour là-dessus. C'est tout le temps qu'il nous restait, M. Fortier. Donc, merci beaucoup pour vos explications. Ça me fait plaisir.